La ville s'endort encore une fois, et il n'y a rien d'autre à faire que de penser qu'on s'en ira quand on aura les idées claires. Fébrile et hâtive pour une fois, tu marches ici comme dans un rêve, et à la douceur de ta voix, comme au tremblement de tes lèvres, je sens l'impatience faire de moi l'arbre et de mon sang la terre, et dans la violence du combat, je serai le bois que l'on crève. Se pose à même moi, et doucement bientôt s'affaire à sévir au creux de mon bras, à faire de cette nuit un enfer, docile et rétive à la fois, soumise au crissement de ma chair, à la douleur que tu ne vois pas. Je vois trembler encore tes lèvres, je sens l'indolence qui me gagne, puisque tu n'en as rien à faire, c'est l'indifférence qui me soigne, c'est la pesanteur de cette terre. La nuit était tombée trop fort, et je vois d'ici la scène d'une tragédie sans décor, sinon des idées noires et vertes. Il n'y aura pas d'escale pour mes portes, j'ai fait un fil écorce et humaine, l'erreur de faire don de mon corps à la nature, à la nature pour que tu m'aimes. Il n'y aura pas d'escale pour mes portes, j'ai fait même si l'écorce est humaine, l'erreur de faire don de mon corps à la nature pour que...